Chapitre 2 Aspect de la baie d'Hudson. La baie, nommée baie du Nord, se présentait donc à leur regard dans son immensité. Cette masse d'eau, qui est vraiment une mer intérieure, n'a pas moins de 300 lieues de longueur sur 250 lieues dans sa plus grande largeur. Au sud, elle se rétrécit en une baie qui a 80 lieues de largeur. C'est ce que l'on appelle la baie James. Cette partie était occupée par quatre forts. À l'extrémité sud, le fort Montsipi, que les Français ont appelé depuis le fort Saint-Louis. À droite, à 40 lieues, le fort Rupert. À gauche, à 40 lieues, le fort Kitchichouan, que les Français nommèrent le fort Sainte-Anne. Plus haut, du même côté, le fort de New Savan, appelé ensuite fort Sainte-Thérèse. Ce fort était situé sur la rivière appelée des Saintes Huiles, parce que l'un des missionnaires y avait perdu son bagage. Enfin, plus loin, à 30 lieues au nord, on trouvait le fort Nelson, nommé plus tard le fort Bourbon. Les Canadiens étaient donc arrivés à leur but, le 20 juin 1686, à ce centre si recherché du commerce des fourrures du nord. Nul bruit de leur marche n'avait transpiré. Les Anglais, renfermés dans leur fort, attendaient la venue des bâtiments du printemps. Ils étaient loin de penser qu'une troupe d'hommes chargée de munitions et d'un matériel de siège avait pu franchir, pour les surprendre, 900 milles dans la saison de l'année la plus difficile pour la marche. On ne songeait donc pas à se garder au fort Montsipi. Il n'y avait ni poste d'observation, ni ronde de nuit, ni sentinelle. Les voyageurs attendirent avec une vive impatience le moment fixé par leur chef, et jusque-là ils pouvaient jouir d'un beau spectacle, comme il arrive souvent dans ces grandes régions du Nord. Des bruits se faisaient entendre au loin. C'était le dégel qui opérait son œuvre de destruction sur les masses de glace environnantes. Ces amas se détachaient du haut des rives, et se précipitaient ensuite avec un fracas semblable au bruit du tonnerre. La lune, entourée d'auréoles de diverses couleurs, éclairait faiblement. À mesure que l'expédition avait avancé dans le nord, elle avait pu contempler plusieurs fois cette merveille des régions polaires, que l'on appelle l'aurore boréale. Presque tous les soirs, le ciel paraît en feu avec des dispositions de lumière qui varient et changent d'instant en instant. Tantôt, l'on voit les degrés d'un portique qui va se perdre dans le sommet des nuages. Quelques minutes après, les lueurs paraissent comme des colonnes d'albâtre qui se mettent en mouvement et se croisent en formant des losanges de feu. À certains moments, tout s'éteint. Puis les lueurs réapparaissent avec des combinaisons nouvelles. Quelquefois, on aperçoit comme un immense éventail offrant plusieurs cercles d'où s'échappent des rayons de feu qui éclatent dans l'immensité comme des fusées d'artifice. Voilà ce que l'on pouvait contempler presque chaque soir. Ce sont les particularités que l'on observe encore aujourd'hui et qui viennent rompre la monotonie des longues nuits du pôle. L'heure étant venue, le capitaine de Troyes prit les dispositions nécessaires pour n'être pas surpris lui-même. Il plaça une vingtaine d'hommes à la garde des canaux, puis il s'avança avec le reste du détachement. Pour expliquer ce qui se passa, M. de la Poterie a donné une description très détaillée du fort. À 30 pas de la rivière, sur une petite hauteur, était un carré de palissade de 100 pieds de façade sur le fleuve et de 18 pieds de hauteur, avec des bastions à chaque angle. Les bastions, revêtus de forts madriers, avaient en dedans une terrasse assez large pour placer des tirailleurs. Dans les bastions, il y avait plusieurs canons d'environ 6 livres de balles. Au milieu de la façade, il y avait une porte épaisse d'un demi-pied, garnie de clous et de ferrements, pour qu'on ne pût l'entamer avec la hache. Au milieu de l'enceinte s'élevait une redoute de troncs d'arbres assemblés et posés pièce sur pièce. La redoute avait 30 pieds de longueur et autant de hauteur, avec 3 étages et 28 pieds de profondeur. Au sommet, il y avait un parapet et des embrasures pour les canons de la plateforme. Le commandant fit approcher au milieu des ténèbres 2 canots chargés de madriers, 2 pioches et d'un bélier, tandis que les hommes montaient par un chemin enseveli sous les rochers et les arbres. L'on remarque encore aujourd'hui ce sentier. Sainte-Hélène et d'Iberville furent désignés pour faire le tour de la place et chercher à pénétrer par la palissade qui regarde le désert. Le sergent Laliberté du régiment de Carignan fut envoyé avec ses hommes pour couper la palissade sur le côté, et s'en allait tirer sur les embrasures de la redoute. Le chevalier de Troyes se réservait de faire enfoncer la porte de la façade avec le bélier. Sainte-Hélène et d'Iberville, en se rendant à leur poste, commencèrent avec leurs hommes à lier les canons de la palissade par la volée avec de fortes cordes attachées à des madriers, de manière que si l'on mettait le feu aux canons, en reculant, ils auraient arraché la palissade. Ils escaladèrent la clôture en arrière du fort, et ils s'en vinrent aussitôt ouvrir la porte du côté du bois, car elle n'était fermée qu'au verrou, et ils firent entrer leurs hommes. Ils revinrent aussitôt vers la porte de la redoute que le chevalier de Troyes se mettait en devoir de briser avec le bélier. En même temps, les soldats faisaient feu dans les embrasures de la redoute, avec des cris affreux à l'iroquoise « Ça s'acquesse, ça s'acquesse !» qu'ils prononçaient au plus haut de la voix comme les Indiens. Quelques Anglais s'étant réveillés au bruit, parurent sur la plateforme et se mirent à pointer les canons sur les assaillants, qu'ils prenaient pour des sauvages. Sainte-Hélène visa le premier qui se présenta aux embrasures et lui cassa la tête du premier coup de fusil. Pendant ce temps, le bélier avait commencé à produire son effet. Dès que la porte fut à moitié démontée, d'Iberville, sans calculer le danger qu'il pouvait courir, se jeta dedans, l'épée d'une main et son fusil de l'autre. Les Anglais, surpris, se précipitèrent sur la porte, qui tenait encore par quelques ferrements, et la refermèrent. D'Iberville, placé avec les ennemis dans l'obscurité la plus profonde, ne voyait ni ciel ni terre. Il se détendit comme il put avec la crosse de son fusil. Puis, entendant descendre de nouveaux assaillants d'un escalier, il tira au hasard. Les Anglais hésitaient, croyant avoir affaire à un grand nombre. Mais ils eurent bientôt reconnu leur erreur, lorsque les Français, ayant réussi à briser la porte, se précipitèrent en foule, l'épée à la main, et trouvèrent les Anglais nus et sans armes. Ils avaient été réveillés en sursaut et ne s'étaient pas aperçus des premiers mouvements de l'attaque. Trompés par les cris, ils avaient cru à une fausse alerte des sauvages. Tous se rendirent, sans essayer de combattre, et demandèrent à être renvoyés en Angleterre. On trouva dans le fort 12 canons de 6 à 8 livres, 3 000 livres de poudre et 10 000 livres de plomb, que les artilleurs canadiens, qui possédaient un moule à boulet, commencèrent à utiliser. « On prit 15 hommes dans ce fort, nous dit le père Sylvie, et on en aurait pris encore 15 autres, sans une marque que nos découvreurs avaient aperçue la veille. Mais elle était partie le soir pour le fort Rupert, avec le commandant de Montsipi, qui était désigné pour remplacer le commandant général de la baie et qui, en conséquence, était allé faire des travaux à Rupert. « Nous sommes bien fâchés, dit le père Sylvie, de l'avoir manqué, et comme sa barque nous était nécessaire pour porter du canon au fort Kitchichouan, qui avait 50 canons en batterie, on prit la résolution de la suivre et de s'en aller attaquer Rupert, espérant enlever le fort et le vaisseau du même coup. Il y avait 40 lieues, et elles furent faites en 5 jours, jusqu'au 1er juillet. D'Iberville conduisait une chaloupe portant 2 pièces de canon. Quand il fut arrivé à une certaine distance, Sainte-Hélène eut ordre d'aller à la découverte. Il se glissa à travers les arbres et les rochers, et il prit connaissance de la position. Le fort était de la même construction que le fort Montsipi, avec cette particularité que la redoute n'était pas au milieu de l'enceinte, que le toit était sans parapet, et que 4 bastions environnaient la redoute avec 8 pièces de canon. Enfin, de Sainte-Hélène remarqua une échelle attachée le long du mur de la redoute, pour se sauver en cas d'incendie. Le chevalier de Troyes prit aussitôt ses dispositions. Il débarqua des canons, fit faire des affûts et préparer les grenades. On disposa des madriers pour le travail du mineur qui devait aller placer ses pièces d'artifice sous le mur de la redoute. En même temps, d'Iberville partit avec 12 hommes dans sa chaloupe afin d'aborder le vaisseau au milieu de la nuit. Il savait que Brigueur, le gouverneur, devait s'y trouver. Arrivés au vaisseau, ils virent la sentinelle endormie. C'est ce que l'on pouvait prévoir sur une mer éloignée de toute menace d'attaque. On ne laissa pas à la sentinelle le temps de donner l'alarme. D'Iberville frappa alors du pied sur le pont pour réveiller les gens, comme c'est l'usage sur les vaisseaux lorsqu'il faut que l'équipage se lève pour quelque chose d'extraordinaire. Le premier qui se présenta du haut de l'échelle reçut un coup de sabre sur la tête. Un autre, qui avait monté par l'avant, périt de même. Alors on descendit. La chambre fut forcée à coups de hache et l'équipage fut réduit en quelques instants. Ils eurent Cartier et en particulier Brigueur, gouverneur de Montsipi, qui s'en alla prendre la qualité de gouverneur général de la baie. Pendant ce temps, le chevalier de Troyes avait enfoncé la porte de l'enceinte avec son bélier, et il entourait la redoute avec son monde, l'épée à la main. Le grenadier, profitant aussitôt de l'échelle placée sur la redoute, arriva sur la plateforme et se mit à lancer ses grenades par le tuyau de la cheminée. Tout fut bientôt brisé par cette explosion, et il n'y eut plus moyen de tenir en cet endroit. Une femme, réveillée en sursaut par ce bruit, s'enfuit dans une autre chambre, où elle fut atteinte, ainsi que deux autres, par des éclats de grenades. La garnison se réfugia alors au rez-de-chaussée, mais elle s'y trouva sous le feu des Canadiens qui tiraient par les ouvertures. Le chevalier, trouvant que le bélier n'allait pas assez vite, fit tirer le canon sur la porte. Au même moment, le mineur fit connaître qu'il avait placé ses pièces et qu'il n'attendait qu'un ordre pour faire sauter la redoute. Ce que les Anglais ayant entendu, ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus résister et ils demandèrent quartier. Ainsi fut pris le second fort. Les prisonniers, placés dans un yacht qu'on trouva amarré près de là, furent dirigés vers Montsipi. Ils étaient escortés par le vaisseau qui avait été chargé de toutes les munitions et des pelleteries trouvées dans le fort. Le chevalier fit alors sauter le fort et les palissades, parce qu'il aurait fallu trop de monde pour le garder. Il y laissa d'Iberville pour surveiller cette exécution, et il lui donna la chaloupe pour opérer son retour. Monsieur de Troyes partit en canot avec quelques hommes. En arrivant à Montsipi, il y trouva les deux bâtiments qui avaient transporté la prise. Il fit emmagasiner les provisions, et il décida alors du sort des prisonniers. Le chevalier les réunit et les fit transporter à l'autre bord de la rivière, avec des vivres. Il leur donna des filets pour la pêche et des fusils pour la chasse. Il leur enjoignit de ne pas passer outre, sous menace de mort, et il leur dit que s'ils avaient quelque chose à communiquer, ils pouvaient envoyer sur la batture deux hommes, qui mettraient un mouchoir au bout d'un bâton pour signal. Ensuite, le chevalier de Troyes se disposa pour sa nouvelle entreprise. Il fit charger les canons sur le vaisseau, pris au fort Rupert, et il mit son monde en plusieurs canots. Les mémoires du temps remarquent qu'il pria alors le père Sylvie, qui était resté à Montsipi, de l'accompagner dans cette expédition, que l'on pouvait penser devoir être plus longue que les premières. Le père Sylvie pouvait être utile par son expérience en ces contrées. Ensuite, rien n'égalait son influence sur les gens, au milieu des peines et des difficultés. Elles furent très grandes, car il fallait se diriger à 30 lieues au nord, sans savoir au juste quelle était la situation du fort. Toute cette côte est environnée de battures qui s'étendent de loin dans la mer et qui ne sont pas navigables. Il fallait donc se tenir à 3 lieues de la côte, et quand la marée était basse, il fallait porter les canots et les bagages à de grandes distances, tandis que lorsque la marée montait, l'on se trouvait engagé dans les glaces, dont il était difficile de sortir. Après plusieurs jours de marche et de navigation, on reconnut qu'on avait dépassé la situation du fort sans l'avoir aperçu, et les sauvages qui accompagnaient l'expédition ne savaient plus où ils en étaient, bien qu'ils crussent connaître le pays. Mais ils ne se découragèrent pas, tant ils tenaient à se venger des Anglais, qui les avaient accablés de mauvais traitements. On était dans la plus grande incertitude, lorsque dans le lointain on entendit sur la côte 7 ou 8 coups de canon. L'expédition vogua dans cette direction, aborda avec armes et bagages à l'embouchure de la rivière Kitchitchouan, que l'on n'avait pas aperçu d'abord. On parvint à un endroit où il y avait une sorte d'estrapade au haut de laquelle on plaçait une sentinelle pour signaler l'arrivée des vaisseaux. En ce moment, d'Iberville arriva avec Sainte-Hélène dans la chaloupe qui portait tous les pavillons de la compagnie de la baie d'Hudson. Iberville, avec son habileté ordinaire, avait su se diriger en droite ligne en partant du fort Rupert vers l'embouchure de la rivière Kitchitchouan que l'expédition avait eu tant de peine à rencontrer. Aussitôt arrivé, Sainte-Hélène fut encore désignée pour reconnaître l'assiette de la place. Il revint bientôt et annonça que le fort était semblable aux deux autres. Il était sur une hauteur à 40 pas du bord de l'eau et environné d'un fossé en ruine. Au centre d'une palissade s'élevait une redoute de 30 pieds de haut, à plusieurs étages, avec une plateforme au-dessus. mais il y avait, de plus qu'aux autres forts, une artillerie considérable, 4 canons dans chaque bastion et 25 ou 30 dans le corps principal, placés aux différents étages. Le chevalier de Troyes, sachant que son arrivée avait été signalée, voulut procéder par voie de conciliation. Il envoya demander au gouverneur qu'il voulût bien lui remettre 3 Français qui étaient détenus dans la place. Le gouverneur, qui ne savait pas à quels ennemis redoutables il avait affaire, ne voulut répondre que d'une manière évasive. Aussitôt le chevalier de Troyes décida de recourir à la force. Il fit établir une batterie de 10 canons de l'autre côté de la rivière, sur une hauteur dans des buissons, et puis il attendit le soir. Alors, ayant reconnu avec sa longue vue que le gouverneur s'était retiré, avec sa famille, dans sa chambre, qui était sur la façade, il démasqua sa batterie et envoya une volée sur la table du gouverneur. Tout fut mis sens dessus dessous, mais il n'y eut heureusement personne de blessé. On continua à tirer, et en moins de 5 quarts d'heure, on tira près de 150 coups de canon qui criblèrent tout le fort. Les Canadiens, voyant que tout allait bien, se mirent à crier « Vive le roi !» L'on entendit en même temps des voix sourdes qui semblaient sortir du soubassement du fort et qui en faisaient autant. C'étaient les assiégés, qui s'étaient retirés dans les caves et qui, ne voulant pas se risquer à aller sur la plateforme pour amener le pavillon, avaient fait tous ensemble ce signal pour faire connaître qu'ils voulaient se rendre. Les Canadiens ne comprirent pas le sens de ces acclamations et ils se préparèrent à renouveler l'attaque. Ayant tiré tous leurs boulets, ils s'occupèrent à en faire de nouveau avec leurs moules, lorsqu'on entendit les tambours du fort qui battaient la chamade. Aussitôt on vit paraître un homme avec un pavillon blanc qui s'embarquait dans une chaloupe. Le chevalier reçut l'envoyé avec courtoisie, et sur son invitation, il se rendit à mi-chemin du fort, où il trouva le gouverneur. Celui-ci avait fait porter avec lui du vin d'Espagne, et après avoir bu à la santé des deux rois, on s'occupa d'arrêter les conditions de la reddition. Voici ce qu'elle portait en substance. Articles accordés entre le chevalier de Troyes, commandant le détachement du parti du Nord, et le sieur Henri Sargent, gouverneur pour la compagnie anglaise de la baie d'Hudson. Premièrement, il est accordé que le fort sera rendu avec tout ce qu'il contient, dont on prendra facture pour la satisfaction des deux parties. Deuxièmement, il est accordé que tous les serviteurs de la compagnie jouiront de ce qui leur appartient en propre, ainsi que le gouverneur, son ministre et ses serviteurs. Troisièmement, que ledit chevalier de Troyes enverra les serviteurs de la compagnie au fort de l'île Weston, où ils attendront les vaisseaux anglais, et qu'il leur donnera des vivres nécessaires pour retourner en Angleterre. Quatrièmement, que les hommes sortiront du fort sans armes, à l'exception du gouverneur et de son fils, qui sortiront avec l'épée au côté. Ce qui fut exécuté. D'Iberville conduisit les Anglais à l'île Weston, où ils avaient un magasin, puis revint au fort Sainte-Anne. Ce fort contenait les principaux magasins de la compagnie. On y trouva des quantités de provisions et de munitions et 50 000 écus de pelleterie. Ce fut le principal fruit de cette expédition, qui rendait les Français maîtres de la partie méridionale de la baie d'Hudson. Le père Sylvie remarque dans sa relation qu'on entra dans le fort tambour battant et enseigne déployée le 26 juillet, le propre jour de Sainte-Anne, c'est-à-dire de la sainte qu'on avait prise pour patronne du voyage et de l'expédition. Le chevalier de Troyes voulut reconnaître la protection continuelle de la divine Providence pendant toute la durée de l'entreprise. Il donna au fort le nom de la patronne que l'on avait invoquée. Ensuite, il chargea le père Sylvie d'établir le service religieux dans le fort. L'une des pièces principales fut convertie en chapelle et décorée en partie avec les drapeaux de la compagnie anglaise. Chaque jour, la sainte messe y était célébrée. La garnison y assistait aux fêtes principales. Il n'était pas difficile de trouver parmi les Canadiens élevés par M. Delier de Casson des assistants et des servants pour le saint sacrifice. L'on a pu remarquer, comme le chevalier de Troyes et les messieurs Lemoine avaient désiré emmener un aumônier avec eux. Il tenait aussi à ce qu'il les accompagnât dans leurs différentes expéditions pour les secours qu'ils pouvaient donner aux hommes malades ou blessés, et enfin pour la célébration des saints mystères. Mais il y avait encore une autre raison qui accompagnait toutes les décisions des hommes de guerre dans la Nouvelle-France. c'est que tout ce qu'on faisait avait pour but principal d'avoir des relations avec les sauvages et de leur donner la connaissance de la vraie religion. Aussi le père Sylvie nous dit, dans sa relation, qu'il a des rapports avec des sauvages de différentes tribus, qu'il comprend la langue de plusieurs d'entre eux et qu'il espère que Dieu, dans sa bonté, donnera à ces pauvres gens la grâce de se convertir. Telle fut donc la première expédition à la mer du Nord. Expédition qui, tout en faisant le plus grand honneur au chevalier de Troyes, mit en grand relief les qualités du chevalier d'Iberville et de ses frères. C'est ce que fait remarquer aussi le père Sylvie. Voilà, dit-il, dans sa lettre à Monseigneur de Saint-Vallier, le coup d'essai de nos Canadiens sous la sage conduite du brave monsieur de Troyes et de messieurs Sainte-Hélène et d'Iberville, ses lieutenants. La baie d'Hudson. Vaste baie au nord de l'Amérique septentrionale, communiquant avec l'Atlantique par le détroit du même nom, par 51 degrés à 70 degrés de latitude nord et par 79 degrés à 98 degrés de longitude. Elle baigne la Nouvelle-Bretagne à l'ouest, au sud et à l'est. Au nord, elle se réunit à la mer polaire. C'est sur ses bords que se trouvent tous les forts qui ont été le théâtre des exploits d'Iberville. Elle reçoit un grand nombre d'affluents, les rivières Sainte-Anne, des Saintes-Huiles, de Bourbon, de la Rive. Au sud-ouest, le fort de Montsipi, puis les forts de New Savannes, Bourbon, au sud-est, le fort de Rupert. C'est là qu'on trouvait les îles Weston, du Retour, Mansfield, de Saint-Charles, et à l'extrémité est, dans les détroits d'Hudson, les îles Button. Découvertes par Anskold et explorées par Hudson en 1610. La compagnie de la baie d'Hudson s'établit sous Charles II en 1670 à l'endroit qu'on appela le fort de Rupert. Ces deux généreux frères se sont merveilleusement signalés et les sauvages qui ont vu ce qu'on a fait en si peu de temps et avec si peu de carnage en sont si frappés qu'ils ne cesseront jamais d'en parler partout où ils se trouveront. Les sauvages, en effet, avaient une admiration particulière pour la modération des Français et leur douceur. Dans leurs expéditions, ils évitaient de verser le sang, et au milieu de leur succès, ils avaient horreur de ces massacres outrés et odieux qui viennent parfois de l'enivrement et de l'entraînement de la victoire. Ce sont ces sentiments qui ont gagné le cœur de ces barbares, et en ont fait les alliés dévoués de la France. Monsieur de Troyes, voyant l'expédition terminée, se disposa à revenir à Montréal, comme on le lui avait enjoint à son départ. Il remit la garde des forts aux jeunes de Maricourt, chargea d'Iberville de courir la mer contre les vaisseaux anglais. Enfin, il confia au digne père Sylvie le soin spirituel de la garnison. D'Iberville utilisa ses fonctions avec les deux bâtiments qu'il avait. Il s'empara d'un grand vaisseau anglais qu'il chargea de toutes les pelleteries des forts qu'il avait pris, puis il décida de revenir à Québec pour aller prendre quelques vaisseaux qui lui serait indispensable pour attaquer les convois anglais l'année suivante. Il paraît donc qu'il revint au dernier jour d'automne 1686 avec Sainte-Hélène, et il fut reçu à Montréal comme un triomphateur. Toute la ville savait quelle part il avait eue au succès de l'expédition. Les citoyens voyaient avec bonheur leurs compatriotes couverts de gloire. D'Iberville rentra dans Montréal tambour battant et enseigne déployée. Les citoyens acclamaient le vainqueur, et la mère, retrouvant ses enfants après des jours d'inquiétude et encore désolée de son veuvage, combien elle était heureuse de les revoir sains et saufs. Nous ne pouvons savoir d'après les documents la date précise et les circonstances de la mort de Charles le Moine que l'on place en 1685. Nous savons seulement que s'il avait vécu en 1686, il n'aurait eu que 60 ans et aurait encore pu être plein de force et de résolution. Mais telle était alors la situation glorieuse de cette nombreuse famille qui comptait 10 enfants. L'aîné, le moine de Longueuil, était honoré de la confiance des autorités supérieures, et il avait l'affection des nations sauvages, qui l'avaient choisi comme leur représentant près du gouvernement. Sainte-Hélène, de Maricourt et de Bienville, étaient des militaires consommés. À l'égard de Maricourt, nous avons un témoignage digne de considération dans une lettre de Monseigneur de Laval, du 12 janvier 1684. D'Iberville s'était révélé comme commandant capable et sur mer comme manœuvrier des plus consommés. Enfin, les autres fils grandirent pleins de force et se montraient d'une habileté extraordinaire dans les exercices militaires.